Nous sommes rendus au bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, et c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire découvrir ou vous faire entendre un nouveau produit comme tel. Et cette semaine, je suis bien content, j'ai finalement un produit de Véro, qui elle, est de la Saskatchewan. Et j'avais découvert Véro, si je ne me trompe pas, lors d'une émission Planète Barbare, ou encore c'était peut-être l'émission Balade à Toronto. Mais ça fait plusieurs, peut-être un an et demi que je connais l'existence de Véro. Et je lui ai déjà demandé du produit. Et bon, je travaille là-dessus, on est en post-production, etc., etc. Mais cette fois-ci, on a accès à la chanson « Si le froid » et un vidéoclip sur YouTube. Vous allez faire un tour sur ma page Facebook de CanRock, CANROCK, et vous allez découvrir le lien pour tout ça. Donc, et puis, vous pouvez aller sur son Bandcamp, entre autres, qui est Véro, V-A-E-R-O.bandcamp.com, et vous pouvez télécharger la pièce « Si le froid ». Et vous pouvez voir également le clip sur YouTube, comme je vous disais. Son vrai nom, c'est Véronique Poulin, mais Véro, c'est son nom d'artiste. Elle est de la Saskatchewan. On va entendre cette pièce-là. Par la suite, on va entendre une autre artiste, auteur-compositrice, interprète de la Saskatchewan, Alexis Normand, en duo avec M. Daniel Lavoie. C'est une super belle chanson de son album éponyme. Troisième album qui a été lancé à l'automne dernier. Et c'est la chanson qui s'appelle tout simplement « Sing Me Home ». Très belle balade, très belle berceuse, vous allez voir, vraiment magnifique. Mais pour l'instant, voici Véro et la chanson « Si le froid ». Je suis assise avec mon manteau encore sur le dos. Est-ce que le froid m'en veut toujours ce soir? Dans le bar à moitié chauffé, j'ai honte de ma noirceur, lueur d'espoir qui occupe mes pensées. Laisse pas couler la glace en forme de diamant sous tes beaux grands yeux, à la recherche de richesses qui pourraient nous rendre heureux. Et si tu pleures, puis on est deux, tes diamants couleront. S'il fait assez froid, on ne saura jamais que ce sont des larmes pour moi. Après deux mois d'abstinence, je m'arrête au dépanneur pour m'acheter des clopes thérapeutiques qui goûtent quand même le vieux malheur. Puis je les fume une par une jusqu'à ce que mes doigts un à un soit aussi engourdi par le froid que mon corps par ta chaleur. Laisse pas couler la glace en forme de diamant sous mes yeux de feu, à la recherche de richesses qui pourraient me rendre heureuse. Si le froid m'en veut toujours, je lui dirai mon amour. Si le froid m'en veut toujours, j'attendrai. Si le froid m'en veut toujours, je partirai sans un détour. Et si le froid m'en veut toujours, Les sommets des montagnes veillent sur moi dans le rétroviseur comme des rois. Je quitte enfin l'Alberta. Sing me home. En passant les petits villages oubliés et toutes les vieilles granges abandonnées et les clôtures de fil barbelées. Sing me home. Sous le clair de lune de Victor Hugo qui éclaire la route le long du cours d'eau, ta rivière qui chante à la radio. Oh, Johnny, sing me home. Je patinerai sur la rivière gelée où j'apprendrai à m'envoler. Oh, Johnny, sing me home. Sing me home. Là où le ciel est grand comme la mer et s'étale à l'horizon sur cette terre endormie sous la neige d'hier. Sing me home. Où les arbres sont figés dans le vent, sous le gel ils se protègent du temps et comme toi ils attendent leur printemps. Oh, Johnny, sing me home. Je patinerai sur la rivière gelée où j'apprendrai à m'envoler. Oh, Johnny, sing me home. Johnny, sing. On poursuit le bloc de l'Ouest avec de la musique de M. Edmond Dufort. J'ai vu qu'il participait à un spectacle tout récemment. J'ai vu ça sur Facebook. Donc, je suis bien content de voir qu'il fait encore de la musique. Et bon, oui, je vous ai souvent joué les terres du White Shell, mais l'album Ciel ouvert, c'est un magnifique album. Pas sûr qu'il existe encore, mais quand même, Ciel ouvert, il y a de très belles chansons sur cet album-là, dont la pièce Les Anciens, que j'aime bien également. Donc, je vais vous faire entendre ça avec grand plaisir. Edmond Dufort, qui est, lui, du Manitoba. Donc, je pense, la région de Winnipeg-Saint-Boniface. Autre personne qui est de cette région-là, c'est Justine Baribeau, qui, en ce moment, est en tournée dans l'Ouest canadien, mais je pense surtout au Manitoba, avec M. Danny Boudreau. Ça devrait être un duo magnifique à voir en spectacle. C'est deux artistes exceptionnels. Donc, on va entendre la pièce. Ça aussi, c'est une chanson que je n'ai pas jouée régulièrement. C'est la pièce « Sauvage » de Justine Baribeau, tirée de son album « Entre toi et moi ». Et j'espère un jour, puis je pense qu'elle m'écoute en plus de ça, mais j'espère qu'un jour, on aura droit à un autre album grand public de Justine Baribeau. Parce que j'adore sa voix, j'adore sa musique, j'adore ses textes, c'est vraiment magnifique. Et puis, c'est de valeur que je ne sois pas au Manitoba, parce que Danny Boudreau, ça fait une secousse que je ne l'ai pas vu, et j'aimerais bien le voir également. Donc, les gens qui m'aiment écouter via Envol 91, allez encourager ces deux artistes-là, ça vaut la peine. Écoutez, vous allez passer une belle soirée. On va terminer notre émission d'aujourd'hui avec un beau souvenir. Ça doit faire ça aussi des décennies que je n'ai pas joué ça. Écoutez, Yvon Loisel, « Quand j'aurai les mots ». Écoutez le texte de cette chanson-là, c'est vraiment magnifique. J'adore énormément. Donc, Yvon Loisel, qui lui est de l'Alberta, « Quand j'aurai les mots », très belle chanson. Mais pour l'instant, voici M. Edmond Dufort, auteur, compositeur, interprète du Manitoba, avec « Les Anciens ». Call

percée près d'un grand sapin vert, sous une pleine lune reflétée sur la rivière. Et voilà que mon cœur tombe pour un homme pas comme moi ni comme mon père. Toi avec ta peau blanche, ta langue étrangère. C'est qui le sauvage qui m'abandonne au bord de ce rivage, avec notre fils ni blanc. Sans qu'il me colle. corrige. Quand je pourrai te chanter la forêt, les cheveux, les bleuets de mon pays, je vais maîtriser ma langue. Quand j'aurai les mots. Les passants au regard vide. Quand je pourrais te dire les voitures défilant à toute allure, j'aurais maîtrisé ma langue. Et voilà, c'est sur ce beau souvenir que se termine l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le choix musical. Vous avez peut-être fait des découvertes, du moins je l'espère. Et c'est toujours un plaisir pour moi de vous offrir cette belle variété musicale franco-canadienne. Je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKGM, Chétican, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser ou rediffuser l'émission. Et bien sûr, si vous avez des suggestions, des commentaires, des contacts, vous connaissez des gens, des artistes qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. canrockcdn@gmail.com. Je vais rentrer en contact avec eux, écouter ce qu'ils ont. Et si c'est vraiment bien fait, ça va tourner à Canrock avec grand plaisir, parce que c'est pour ça que l'émission existe, pour partager la richesse et la beauté de la musique franco-canadienne. Partons de le thème, si vous voulez bien. Voilà, c'est parti. Et j'ai peut-être 20 secondes pour vous dire une seule chose, que je dis souvent à toutes les semaines, mais c'est important. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support, et vous risquez d'être séduits, ça c'est garanti. Sur ça, je vous souhaite bonne semaine musicale, à la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne.